Yeah, j'suis pas venu jouer la victime, cous. Je suis juste venu raconter ce qui se passe autour de nous, ce que je vois de mes propres yeux, le mode de vie de tous ces jeunes perdus. Yeah. Ça fait trop flipper de voir un pote dans le coma, se demander s'il va y rester. Tout ça traumatise, et là ta seule hantise, et que l'oscilloscope se mette à changer de note. Tout ça te rappelle que tout ce qui t'éblouit disparaît un jour, même les grands hommes, même le grand amour. Ça fait trop flipper de voir une mère enterrer son fils, cette femme qui a fait tant de sacrifices, qui a pleuré tant de larmes rouges, qui souffre mais qui au moins sait ce que c'est qu'un véritable amour. Maman Palestine, maman Africa, le monde t'admire, le monde ne parle que de toi. Mais le monde te tourne le dos, il se fout de tes problèmes, il accepte ton chaos. Le monde ne fait que parler, et c'est tout, il fait tourner la langue à défaut de faire tourner la roue. Ça fait trop flipper de voir ses amis d'enfance et te rendre compte à quel point les gens changent. Les maladies, la drogue et le whisky, tout ça t'apprivoiserait un grizzly. Et puis à ces foutues histoires de cœur, tu connais la chanson. Séparation, réflexion, puis dépression, tu connais la suite. Pas étonnant qu'il y ait plus de psychologues en ville que de médecins légistes. Pas étonnant qu'il y ait tant de suicides. Voilà ce que le manque d'amour suscite, le cœur plein de rustine, difficile de marcher droit. Les gens vivent mal, demande aux jeunes qui squattent en bas de chez toi. Les gens vivent mal, les gens respirent mal, les gens ont besoin de sommeil mais ils dorment mal. Les gens font ce qu'ils peuvent pour apprécier la vie, pour sourire malgré le poids écrasant des épreuves. Les gens veulent devenir des légendes pour oublier qu'un jour ou l'autre ils devront passer de l'autre côté. Les gens font ce qu'ils peuvent. Yeah. Les gens s'aiment et se délaissent, s'embrassent et se séquestrent. Les gens font très rarement preuve d'allégresse. Les gens se confient des secrets, dévoilent des secrets. Les gens te serrent la main et te la coupent quand y a moyen. Les gens sont pour le partage, mais gardent la plus grosse part. Le royaume de la solidarité est plein de remparts. Les gens parlent beaucoup, ils agissent très peu. Les gens souffrent beaucoup, ils en parlent très peu. Les gens ont envie de crier, de cracher leur peine, mais les gens se taisent, préfèrent se renfermer sur eux-mêmes. Ils savent pas ce qu'ils font, ces fous se servent des leurs pour essuyer la poussière, ensuite ils jettent comme des chiffons. Les gens choisissent un jour de fête, se tranchent la gorge au rasoir pour être sûr de rester dans les mémoires. En fin de compte, je crois que l'histoire se répète, et qu'ici personne désire vraiment finir aux oubliettes. Mais je suis pas convaincu que cette cause soit juste. Je suis pas sûr d'avoir été créé pour en demander toujours plus, que ce soit dans son lieu de travail ou dans la rue. Je suis pas certain que l'on ait besoin d'être reconnu. Je crois juste qu'on a besoin de l'amour de Dieu et des siens pour maintenir l'équilibre. Ça fait flipper de voir à quel point les gens ont du mal à dire je t'aime aux personnes avec lesquelles ils vivent. Les gens vivent mal, les gens respirent mal, les gens ont besoin de sommeil mais ils dorment mal. Les gens font ce qu'ils peuvent pour apprécier la vie, pour sourire malgré le poids écrasant des épreuves. Les gens veulent devenir des légendes pour oublier qu'un jour ou l'autre ils devront passer de l'autre côté. Les gens font ce qu'ils peuvent. Tout ça fait flipper, chacun veut marquer son siècle. Preuve que c'est le why dans nos têtes. Frère, ça fait flipper de voir à quel point on se déchire pour du shit, des chats ou du chiffre. Tout ça fait flipper, chacun veut marquer son siècle. Preuve que c'est le why dans nos têtes. Frère, ça fait flipper de voir à quel point on se déchire pour du shit, des chats ou du chiffre. Tout ça fait flipper.